1944, le gouvernement de Vichy s'enfuit en Allemagne, au château de Sigmaringen. Pierre Assouline raconte dans son nouveau roman comment se joua là, entre passion et trahison, le destin de Pétain, de Laval et d'un millier de collaborateurs français. Un épisode méconnu de notre histoire à découvrir dans Sigmaringen, le nouveau roman de Pierre Assouline, aux éditions Gallimard. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. On n'en a jamais fini avec Napoléon. Entre le bicentenaire de la campagne de France et la parution d'un ouvrage polémique de Lionel Jospin, Franck Ferrand nous propose une émission consacrée aujourd'hui à la jeunesse de ce grand personnage. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Nous allons éviter, nous, le côté commémoration aujourd'hui, et alors encore plus le côté polémique, sur lequel j'aurai peut-être néanmoins l'occasion de revenir un de ces jours prochains. C'est un Bonaparte sous lequel, pour évoquer le vers de Hugo, Napoléon ne perce pas encore, que nous allons retrouver cet après-midi, en compagnie de mes deux invités, Jean Mauduit, grand monsieur du roman historique et que j'avais depuis très longtemps envie de recevoir. Je suis ravi qu'il soit avec nous cet après-midi, ainsi que Patrice Guénifet, auteur d'une biographie très remarquée et à juste titre, dont le premier tome, Bonaparte, aura, on peut le dire, marqué l'année 2013 aux yeux des connaisseurs. Et puis à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Séverine sur les origines du drapeau tricolore. J'essaierai en tout cas de répondre à Séverine. Vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour le moment, ce drapeau républicain, c'est Bonaparte qui le brandit sur le pont d'Arcole. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. C'est un peu Paris, vous n'avez pas pu manquer l'un des ponts les plus célèbres de la capitale entre l'Hôtel de Ville et Notre-Dame. Le pont d'Arcole est ainsi nommé en hommage à l'une des plus célèbres batailles, on pourrait dire à l'un des plus fameux exploits de notre histoire. Peut-être le plus grand tour de force du jeune général Bonaparte alors qu'il commandait en chef l'armée d'Italie. Quand je dis alors, il s'agit des toutes dernières années du XVIIIe siècle, dans une armée française décapitée, si j'ose dire, par la Révolution et où les officiers supérieurs et généraux se sont hissés aux responsabilités par le mérite, c'est le cas de la plupart, ou par le génie, c'est le cas de quelques-uns, dont Bonaparte évidemment au premier chef. Depuis Valmy en 1792, bataille sur laquelle il y aurait beaucoup à dire, mais c'est un autre sujet. Depuis Valmy, l'armée de la République a prouvé qu'elle pouvait se montrer victorieuse. Bonaparte s'est fait remarquer lors de la prise de Toulon à la fin de 93 face aux Anglais. Et en 95, alors je devrais dire en l'an 3, puisqu'on est dans l'an 3 de la République française, le directoire décide que les généraux Jourdan et Moreau vont aller combattre les Autrichiens sur le Main et le Danube, tandis que Bonaparte va attaquer pour sa part les Austro-Sardes dans la vallée du Pô. C'est le début de la campagne d'Italie. Bonaparte a été nommé général en chef de cette armée d'Italie le 2 mars 1796. Il en prend le commandement tout de suite, moins de 3 semaines plus tard. Cette armée, en fait, est supposée ne servir qu'à fixer en Italie d'importantes troupes autrichiennes. Au départ, il s'agit, si vous voulez, de faire un peu diversion, ce qui explique peut-être... C'est une des explications que cette armée soit si mal équipée, si mal nourrie et si dépourvue de renforts. En cette année 1796, nous dit un expert de la question, au sein de la foule des généraux qui se sont déjà illustrés pendant ces 4 années de guerre, apparaît le nom de Bonaparte, un nom inconnu jusqu'alors et qui va se révéler en Italie. À peine connaît-on à Paris le général Vendémiaire qui a battu les sections sur le parvis de l'église Saint-Roch. Ça a été le premier grand coup d'éclat de Bonaparte, sauvant le directoire et qui a épousé la citoyenne Beauharnais. Lorsqu'il arrive à Nice le 27 mars, l'armée d'Italie se compose de 33 000 hommes. Elle s'épuise depuis le début des hostilités en efforts stériles et soutient une guerre de partisans sur le versant méridional des Alpes maritimes et des Apennins, sol tourmenté, abrupt, hérissé de rochers, coupé de précipices. Une armée brave au feu, vêtue de lambeaux chaussée de tresses de paille. C'est certainement la plus indisciplinée de toutes les armées de la République, recrutée en partie de volontaires méridionaux de la levée de 1792, parsemée de quelques vieux vétérans de l'armée de Sambre-et-Meuse. Parmi ses chefs, on trouve de futurs maréchaux, Masséna, Augereau, Serrurier, Lannes, Berthier, Bessières, Brune, Suchet, Victor, Marmont, Rey, et aussi Joachim Murat et Louis Bonaparte, deux futurs rois. Et oui, puisque Murat sera fait roi de Naples par Napoléon devenu empereur, tandis que Louis Bonaparte, son frère, sera fait roi de Hollande. À quoi ressemble-t-il ce nouveau général en chef? Oh, on connaît hein, le visage émacié du jeune général Bonaparte. Il est maigre, disons-le, assez petit, sans apparence, comme on dit à l'époque, de forme un peu grêle. Il a 27 ans. L'accueil des subordonnés est assez froid dans un premier temps, mais il ne va pas tarder à prendre l'ascendant sur eux. En quelques mois, Bonaparte va créer des liens très étroits avec ses hommes. Voici ce qu'écrivait Paul de Cassagnac. En 12 mois, d'avril 96 à avril 97, l'armée d'Italie, 35 000 hommes nus, mal nourris, auxquels le gouvernement ne peut rien donner, va, sous les ordres de son général, le premier au feu, le dernier au repos, livrer 18 batailles, 65 combats, détruire 5 armées autrichiennes dont la moins nombreuse lui est supérieure de 10 000 hommes. La paix demandée par l'ennemi arrêtera nos avant-gardes à moins de 100 km de Vienne. C'est vrai qu'il y a là un enthousiasme, une furia, quelque chose de tout simplement unique dans notre histoire. La campagne d'Italie, pour aller vite et voir les choses d'un peu haut, il est possible de la résumer à 5 phases, à cinq actes, si l'on veut dramatiser la chose. Première phase, contre les Sardes et les Autrichiens coalisés, vous avez des défaites pour les Sardes, à Millesimo, à Mondovi, évidemment. Les Autrichiens sont battus à Montenotte, à Dego, à Lodi, bien entendu, où ils échappent à grand-peine au désastre. Deuxième phase, en 5 jours, le grand général autrichien, qui était d'origine alsacienne, Würmser, voit ses 70 000 hommes volatilisés à Lonato et Castiglione. On est là début août 96. Troisième phase, le même Würmser revient à la charge avec cette fois 55 000 hommes et en 12 jours, il est battu 3 fois et contraint d'aller s'enfermer dans Mantoue qui est littéralement bloqué. Quatrième phase, alors voilà les renforts, Alvinci qui arrive avec 50 000 hommes et qui essaie de débloquer Mantoue. C'est dans cette phase-là que va intervenir bien sûr la bataille, enfin l'affaire du pont d'Arcole que je vais vous raconter dans un instant. Et puis le dernier acte, cinquième acte, en janvier 1797, Alvinci revient avec 75 000 hommes et ça, ce sera la plus brillante des victoires de Bonaparte qui va prendre position sur le plateau de Rivoli, au point précis où devaient converger et se réunir les colonnes de l'armée autrichienne. Il va les détruire l'une après l'autre, on est dans le rase de Corneille, hein. Et Würmser, à bout de ressources, rendra Mantoue. À ce moment-là, Bonaparte peut se mettre à marcher sur Vienne et, comme je vous le disais, il va s'arrêter, c'est la paix qui va l'arrêter finalement et non pas les armes. Nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez bien compris, c'est Arcole. Alors malgré l'échec de Würmser, qui, on l'a vu, s'était enfermé dans Mantoue, les Autrichiens n'ont pas renoncé à une nouvelle tentative. Ils rassemblent une quatrième armée. On en confie le commandement au général Joseph Alvinci, qui donc est un vétéran. Il a fait la guerre de 7 ans. C'est un homme qui a connu Marie-Thérèse et Louis XV. Patrice Guénifet, dans son ouvrage intitulé Bonaparte, raconte que, je cite, « Tandis que son collègue Davidovitch descendrait l'Adige pour menacer Vérone, Alvinci devait envahir l'Italie par le Frioul et par Vicence se diriger vers Mantoue où Würmser tenterait une sortie en force. » Ah, les Autrichiens ont vu leur affaire, ils sont convaincus que tout va bien se passer. Ils savent que l'armée française est très mal en point, les soldats étaient fatigués, nous dit Pascal Guénifet, nous dit Patrice Guénifet, ils ont le moral en berne, sur la brèche depuis 7 mois, ils aspiraient au repos. Depuis le début de la campagne, Bonaparte a reçu le renfort de 19 000 hommes. Ses effectifs passent donc de 40 000 à 60 000, sauf que là-dedans, il y a beaucoup d'éclopés, évidemment. Il y a eu beaucoup de morts aussi, tout simplement. 7 000 tués et invalides, ce qu'on appelle en termes militaires l'attrition, vous savez. L'attrition, c'est l'espèce de pourcentage qu'il faut retrancher au contingent disponible pour une bataille, du fait justement des batailles précédentes et des effets qu'elles ont eus sur les troupes. La campagne d'Italie, ce ne sont pas encore les guerres de l'Empire qui verront s'affronter d'immenses armées sous une pluie d'artillerie. Comme l'explique encore Patrice Guénifet, ici l'artillerie ne joue pas un grand rôle. C'est une guerre de fantassins, accessoirement de cavaliers, une guerre de mouvements et de marches rapides, d'escarmouches et d'embuscades, d'assauts et de corps à corps, bref, encore une guerre à l'ancienne, où la mort, loin d'être le fait du hasard qui indifféremment frappe celui-ci et épargne celui-là, et souvent la rançon du courage et de l'audace, du courage et de l'audace de chacun. Les meilleurs meurent les premiers en moins d'un an. L'armée d'Italie a perdu l'élite de ses officiers et de ses soldats. Bonaparte ne l'ignorait pas. Peu avant le déclenchement de l'offensive d'Alvinchi, il écrivait au directoire qu'étant donné l'état de faiblesse dans lequel se trouvait son armée, la perte de l'Italie ne devait plus être considérée comme une simple hypothèse. Est-ce à dire que Bonaparte lui-même se sous-estimait ? Oh, je n'irai pas jusque-là. Beethoven sur Europe 1, un extrait du premier mouvement de la troisième symphonie, dédié dans un premier temps à Bonaparte et dirigé ici par Herbert von Karajan. Nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions sur le général Bonaparte par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur la bataille du pont d'Arcole. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la bataille du pont d'Arcole. Oui, alors, il faut peut-être que je commence par situer Arcole. Ça se situe entre Vérone et Vicence. On est au nord-nord-est de l'Italie. Si vous voulez, à vol d'oiseau, c'est entre le lac de Garde et Venise. C'est un village lombard typique avec son église pittoresque à toit plat qui domine une grande place à l'italienne. Autour, quelques fermes un peu éparses qui forment une rue de 200 mètres de long jusqu'à un torrent très encaissé, l'Alpone. Et c'est là, enjambant le fameux torrent posé sur deux culées de pierre, vous avez juste un simple plateau de planches, c'est ce qu'on appelle le pont d'Arcole. Le village est donc à ce moment-là occupé par les Autrichiens qui, nous dit Puccini, ont tout barricadé à la hâte, traîner des canons, percer des meurtrières dans le mur des maisons. Donc ils ont transformé ce village en une forme de camp retranché. Le général Augereau est chargé de prendre Arcole avant que les Autrichiens puissent y recevoir des renforts. C'est une course de vitesse cette affaire. Seulement voilà, le 15 novembre, impossible de franchir ce satané pont. En attendant l'attaque, des hommes sont obligés de rester groupés sur les seuls points solides, la chaussée et la berge très surélevée du torrent qui est particulièrement encaissé. On a de nombreuses représentations, des gravures, beaucoup de tableaux de ce pont d'Arcole. On voit bien, quand on connaît le sujet, on a l'impression d'avoir le paysage dans les yeux. Voici le récit que j'en ai trouvé dans un très très vieux numéro d'Historia. Ça m'amusait d'aller chercher ça là-bas, alors que j'avais Patrice Guénifet sous les yeux. Mais que voulez-vous, quand ce serait trop facile, d'une certaine manière. Courant, courbé, les assaillants se bousculent à l'entrée de ce pont étroit, sans parapet, balayé par le tir concentré de l'ennemi, les planches tremblent sous leurs pieds, le tonnerre des canons dont les gueules crachaient presque à bout portant ébranle le pont jusqu'au madrier, les cadavres des Français s'y amoncellent ou en dégringolent, faisant des traînées rouges dans le jaune sale du courant, les grenadiers de l'armée... Retenez ce détail parce que vous allez voir que ça joue un rôle important dans l'ouvrage de Jean Mauduit, du reste. Les grenadiers de l'armée d'Italie sentent la peur pour la première fois, une lourde consternation fige les plus brave Il recule, tellement que l'un d'eux, Grand-Bert, en a honte. Il se reprend et, tout seul dans cet ouragan qui miaule, frappe et ricoche, miraculeusement s'avance. Parvenu au milieu du pont, il se retourne, hurle vers ses camarades tapis derrière la jetée. « Eh bien, ça ne me tue pas! Venez me passer les cartouches !» Personne ne bouge. Lui s'effondre à la renverse, la tête trouée. Il avait parlé trop tôt. Le général Augereau veut en finir. Saisissant un drapeau, il rallie ses soldats. Les rangs, après quelques secondes d'hésitation, se reforment. Mais ce nouvel assaut déclenche un tel déluge de fer et de plomb que même Augereau, l'intrépide, n'étant plus suivi de personne, n'insiste pas. Dur, sévère, une voix frappe ces hommes effrayés. « Où est donc votre courage? N'êtes-vous plus les vainqueurs de Lodi ?» Il faut vaincre ou mourir. Les têtes se relèvent vers Bonaparte. Leur général en chef est là, martelant ses mots, droit sur son cheval qu'il fait brusquement volter et enlève vers le pont. Chacun oublie sa peur. Les blessés ne sentent plus leur souffrance. Laissant leur sang couler, ils se précipitent pour protéger le petit caporal, empêcher qu'il s'expose, lui, dans cet enfer, qu'il mette donc au moins pied à terre. À cela, il consent, mais empoigne le drapeau à son tour, bien résolu à s'engager le premier sur le pont. L'âne, dont la blessure n'est pas fermée, se place à son côté. Tous se serrent contre lui pour faire un rempart de leur corps et ils partent pour protéger Bonaparte d'une violente charge autrichienne. Muiron, son aide-de-camp, se jette contre lui, mais il est malheureusement frappé à mort et bascule dans le torrent. D'autres viendront le remplacer pour tenter de couvrir Bonaparte, qui finira par s'éloigner à contre-cœur pour ne pas que toutes ses troupes soient tuées en le protégeant. À ce moment-là, une nouvelle charge des Autrichiens bouscule le cheval de Bonaparte, qui s'en va rouler dans le marais avec son cavalier. Seulement les Autrichiens, dans leur élan, ne l'ont pas remarqué. Mais ils continuent de s'enliser inexorablement jusqu'à ce qu'ils soient finalement sauvés par Marmont et Béliard. Putigny raconte que, je cite, « Une heure plus tard, à une lieue dans une maison du village de Ronco, Bonaparte se sèche devant un grand feu tout en faisant ses plans. Son esprit est tendu vers la bataille du lendemain. » Ça a été un moment, évidemment, on est dans l'épopée pure et dure. Là. Le 16 novembre, les troupes napoléoniennes, si j'ose ainsi déjà les exprimer, reviennent à la charge, mais les nommer en tout cas. Mais sans succès cette nouvelle charge. Hein. Après avoir ramassé au passage comme d'habitude canons et drapeaux, nous dit la chronique, ils se présentent de nouveau devant le pont d'Arcole, s'y heurtant cette fois au gros des forces autrichiennes. Tout leur bel enthousiasme retombe et se répètent les sanglantes tentatives de la veille, aussi stériles. Le dos rond sous la pluie, les troupes reviennent le soir à Ronco, épuisées, dégoûtées, grelottantes. Cette nuit-là encore, devant les flammes de sa cheminée, Bonaparte, stoïque et actif, étudie les mêmes cartes pour mettre au point un troisième plan de bataille. Il lui faut emporter Arcole pour assurer le sort de son armée et consolider ses victoires. Tout le reste ne compte pas. Il a alors une idée qui révèle tout le génie militaire de ce général si précoce. Puisque ce pont se révèle infranchissable, il fera établir par le génie une passerelle. Les troupes d'Augereau traverseront en aval, débordant les Autrichiens sur leur flanc gauche, tandis que Masséna en amont essaiera de tourner leur droite. Bonaparte est assez content de son projet et déjà il convoque ses généraux pour leur donner ses ordres. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la fin de votre récit sur la bataille du pont d'Arcole. Alors on est donc ce 17 novembre 1796, je vous la fais dans le calendrier chrétien, parce que le calendrier révolutionnaire ne renseignerait pas grand monde. La fameuse passerelle qui avait été prévue par Bonaparte est donc exécutée à l'aube, et Augereau, salué par la canonnade, l'a franchi. Il pousse devant lui tout ce qu'il rencontre. Masséna, de son côté, après avoir quand même pas mal avancé, se trouve paralysé parce que en face, évidemment, l'adversaire qui est appuyé solidement à un large marais, l'adversaire s'accroche. Toutes les réserves ont été engagées. Bonaparte n'a plus rien pour contourner cet obstacle, sinon la ruse. Il a alors cette idée de bluffer les troupes autrichiennes en leur faisant croire que d'énormes renforts français, il faut dire qu'on les attendait depuis si longtemps ces renforts que ça rend la manœuvre d'autant plus crédible, que d'énormes renforts sont sont en route. Assourdis par le brouillard, venant d'une direction où leurs éléments de reconnaissance n'ont signalé aucune troupe française, les Autrichiens, stupéfaits, distinguent d'abord lointaines, puis claires et vibrantes, venant droit sur eux, les trompettes françaises qui sonnent la charge. Un mouvement, un flottement dans leur ligne, ils se retournent, écoutent, et une certitude s'empare d'eux, d'énormes renforts français les prennent à revers. Un chroniqueur nous dit « Galopant en aveugle dans la brume, ils font un carrousel de fantômes soufflant dans leurs instruments à s'en faire éclater les joues. Tout le tintamarre est orchestré par un homme de couleur, le lieutenant Hercule. À l'ampleur, l'ennemi avait estimé qu'un régiment, pas moins, surgissait derrière lui. » Hercule, le fameux Hercule dont on a beaucoup parlé, qui est un peu le héros populaire d'Arcole, c'était en réalité Joseph Damin Goudomingo. Il était né à La Havane, il était le fils d'un noir de Cuba qui s'était ensuite installé à Bordeaux. Et Bonaparte raconte dans son rapport sur la bataille du pont d'Arcole, je cite « J'ordonnais au citoyen Hercule, officier de mes guides, de choisir 25 hommes de sa compagnie, de longer la dige une demi-lieue et de tomber ensuite au grand galop sur le dos de l'ennemi en faisant sonner plusieurs trompettes. Cette manœuvre réussit parfaitement, l'infanterie fut ébranlée. » Les troupes de Bonaparte vont franchir les premières le pont d'Arcole. Inutile de vous dire que le général est radieux, qu'il nomme sur le champ Hercule capitaine. Et ne sachant comment témoigner sa reconnaissance aux guides, les guides c'est une compagnie de 136 hommes qui constitue en quelque sorte le noyau de la future garde impériale. Ce sont les héros de la journée. Ne sachant comment leur témoigner sa gratitude, Bonaparte ne trouve rien mieux que de leur faire distribuer de l'argent. Et le soir, ravi, il peut dîner avec ses généraux, sachant qu'il va très bientôt retrouver sa femme, Joséphine. Il est plus impatient que jamais. Il lui écrit une lettre ardente qui d'ailleurs le précédera de quelques heures seulement, car Joséphine est là déjà à Milan, qu'il l'attend. Elle lui explique qu'en France, c'est un triomphe pour lui. Tout le monde réclame le portrait du vainqueur de l'Italie. Et justement, dit-elle, elle a amené d'Eugène dans sa voiture un jeune peintre plein de talent qui pourrait s'y coller. Et voilà ce que nous dit Putini. Bonaparte, aujourd'hui, veut ce qu'elle veut. Elle en profite. Il accueille le citoyen gros, avec des mots aimables. Puis le futur modèle oublie complètement l'artiste, planté là avec tout son attirail et son rectangle de toile blanche qui devait fixer pour la postérité le geste du héros Bonaparte au pont d'Arcole. À ce degré-là, on peut même parler de la geste Napoléon, ou plus exactement, Bonaparte vient définitivement d'entrer dans la légende. Bonjour messieurs, je suis ravi Bonjour. Que Patrice Guénifet et Jean Mauduit soient avec nous. Nous allons aborder cette période de la campagne d'Italie, cette période de la jeunesse de Bonaparte, sous deux angles, l'angle ultra pointilleux de l'historien et l'angle très enlevé, plein de verve, du romancier. Nous les retrouvons dans un instant. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. J'avais beaucoup lu à l'école avant de passer le pont d'Arcole. J'avais une volonté molle, Paoli était mon idole. J'avais beaucoup lu à l'école avant de passer le pont d'Arcole. Serge Lama sur Europe 1, un extrait du pont d'Arcole. Nous sommes au cœur de l'histoire du général Bonaparte. Vous nous en parlez cet après-midi, Franck Ferrand, avec vos invités. Patrice Guénifet, historien, directeur des études à l'EHESS, auteur de Bonaparte 1769-1802, tome 1 aux éditions Gallimard. Et Jean Mauduit, écrivain, auteur de L'ombre de Bonaparte aux éditions Flammarion. Mais à Paris, la victoire d'Arcole, venant après une série de succès ébouriffants, fit l'effet d'une bombe, écrit Jean Mauduit. L'opinion se retourna, d'autant que le général Clark, les yeux et les oreilles du directoire, dépêché auprès de Bonaparte pour le tenir en laisse et lui limer les griffes le cas échéant, car au palais du Luxembourg on commençait à s'inquiéter de la réussite et des ambitions de ce petit maigrichon, ne tarda pas à envoyer son rapport. Il était arrivé sur le front d'Italie sceptique et plutôt mal disposé. Après avoir vu à l'œuvre le vainqueur d'Arcole, il expédia à Paris un message fasciné. « C'est avec calme que j'écris, et aucun intérêt ne me guide. Bonaparte sera mis par la postérité au rang des plus grands hommes. » C'est un véritable héros qui vient de faire son entrée sur la scène de l'histoire, Jean Mauduit. Oui, courte parenthèse. Je voudrais vous adresser un remerciement tout particulier de m'avoir invité à votre antenne en dépit du fer rouge dont je suis marqué. On a beau avoir envoyé au Panthéon l'inventeur du roman historique, Alexandre Dumas, ce genre, si c'en est un, a du mal à attirer l'attention. Eh bien écoutez, la nôtre est toujours attirée par ce que vous pouvez écrire, vous et un certain nombre d'autres romanciers, car je crois que le roman historique, et nous en faisons chaque jour la démonstration à ce micro, est un des bons moyens d'accéder à l'histoire. Donc, alors, cette victoire d'Arcole, je disais, a fait de Bonaparte un héros national. À Paris, sa réputation est d'emblée immense. Oui, il a franchi une borne invisible. Il est entré, en effet, dans une légende qui, déjà, est en train de se construire autour de lui et qui ne cessera de se construire jusqu'à la fin. Alors, j'ai dit tout à l'heure, en commençant cette émission, un peu vite, que le pont d'Arcole avait un lien avec la bataille, et nos auditeurs font sauter le standard pour dire rien à voir, rien à voir. Le pont d'Arcole est lié au nom, au sobriquet d'une victime tuée en 1830 lors de l'assaut de l'hôtel de ville, d'où d'ailleurs le nom de ce pont tout près de l'hôtel de ville. Eh bien voilà, dont acte, l'erreur est rectifiée. Alors, Patrice Gueniffet, cette victoire, et presque, on pourrait presque parler de forcing, pour employer un terme très à la mode. Bonaparte a forcé les choses. Bah, il a surtout forcé le destin. Et puis vous savez, les plus belles victoires sont celles qui ont failli être des défaites au départ, les plus difficilement remportées. Mais c'est vrai qu'il a forcé le destin. Il a tenté une manœuvre tout à fait désespérée et peu conforme au canon de l'art militaire. Et de ce fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a joué à pile ou face son destin. Il a senti que c'était un moment crucial, que la campagne d'Italie risquait de se transformer en déroute s'il laissait passer cette contre-offensive autrichienne nouvelle, et il a joué le tout pour le tout, comme il le fera plusieurs reprises dans sa vie. Il y a dans la carrière de tous les très grands conquérants ce moment, du reste, où on passe extrêmement près de la mort, ou en tout cas de l'échec, et où, en quelque sorte, le héros lui-même joue son va-tout. Ce qui veut dire qu'il y a peut-être de très grands héros de l'histoire qui ont disparu parce qu'ils ont joué et perdu. Hein. Ça, c'est une possibilité. Ils n'étaient pas suffisamment joueurs. Et donc, ils n'ont pas osé jouer le tout pour le tout au moment opportun. Alors, vous parlez vous-même, enfin, tout le monde parle du génie militaire de Bonaparte. Comment s'exprime-t-il dans le cas précis qui nous occupe ? Par un coup d'œil exceptionnel. Il a l'art de juger des circonstances sur un théâtre d'opération donné dans un délai tout à fait bref. C'est-à-dire, il lui suffit de regarder le terrain, de considérer les conditions climatiques, les forces en présence, pour faire ses choix et s'y tenir. Et cette rapidité du coup d'œil fait la différence avec ses adversaires. L'autre élément, c'est que, bien entendu, il dispose de troupes qui sont peut-être professionnellement moins bonnes que celles de l'adversaire, mais qui compensent cette absence de professionnalisme par une énergie qui n'a pas d'équivalent ailleurs. Ça, on a encore fatigué Arcole. Oui, certes, mais elle garde quand même un peu de nerf. Elle garde la façon de se battre qui est celle des siècles passés, en quelque sorte. Il y a quelque chose de médiéval dans cet assaut. Simplement, on va beaucoup plus vite. Vous avez raison, Patrice, de le souligner. On va beaucoup plus vite et la décision suit comme une flamme l'intention. Bonaparte arrive à faire croire qu'il est en surnombre, alors que c'est pas vrai, par la vitesse avec laquelle il déplace ses troupes. Et vous avez prononcé tout à l'heure, Patrice, un mot essentiel, le destin. C'est vrai que le destin est un concept très bonapartiste, très napoléonien, qui ne date pas de lui, mais Fatum, qu'il a exploité. Absolument. Ouais. Absolument. Cette espèce d'impassibilité qu'il affiche devant le destin est un de ses grands traits de caractère. Alors, vous vous êtes servi, et c'est le principe même d'un roman historique, Jean Mauduit, vous vous êtes servi d'un épisode authentique, une quasi-noyade de Bonaparte dans les marais d'Arcole, et vous faites de son sauveur votre héros. Alors lui, vous l'avez inventé, oui, évidemment. Oui, il s'appelle Charles de Vaudancourt. Charles de Vaudancourt. C'est le fils d'émigrés à Londres, mais qui a eu un précepteur anglais qui se trouve être baigné de la philosophie des Lumières, c'est-à-dire notamment la liberté. Et il est tout de suite un admirateur de Bonaparte, dont les premiers exploits commencent à peine à être connus. il va se prendre de querelle avec un autre émigré qui, lui, est complètement réfractaire à l'action de Bonaparte, à son nom même. Il le provoquera en duel, lui débutant, il le tuera et se réfugiera en France, où il sera, grâce à Barra, engagé dans l'armée de Hoche. Et il se trouve qu'il y a un transfert de troupes demandé par Bonaparte, qui suppliait le directoire de lui envoyer les renforts. Les renforts, oui. Il fera partie de ce renfort de troupes. Et en effet, il se trouve là, à Arcole. Je finirai par y croire. Hein, vous savez. Il se trouve là, à Arcole, juste à point pour s'apercevoir que le général en chef est retenu, au fond, par ses étriers, dis-je. Il et qu'il plonge, risque sa vie, oui. Il voilà, le ouais. sauve, il le sauve, et voilà, et c'est enclenché. C'est comme ça que, subrepticement, mon héros s'est introduit dans l'histoire. Alors ça, c'est Charles de Vaudancourt, votre héros. Il y a un véritable héros de cet entourage proche de l'empereur, auquel Napoléon restera fidèle jusqu'à Sainte-Hélène et jusqu'à la mort. C'est Muiron. Oui, c'est Muiron. Oui, qu'il avait connu à Toulon, donc très très jeune, tout au début de sa carrière. Et Bonaparte était comme beaucoup de chefs, c'est-à-dire que autant il faisait peu de cas des hommes en général, autant il était fidèle à ceux qui l'avaient aidé dans son ascension. Quel que fut le rôle qu'ils avaient joué, berger corse, premier lieutenant dans l'armée, ami en politique, etc., et auquel il restera fidèle jusqu'à la fin. Parfois bien après leur mort, transférant cette fidélité sur leurs descendants et leur famille. D'ailleurs, c'est le nom que lui-même choisira lorsqu'il songe vraiment sur la fin à changer de nom pour des raisons de, comment pourrait-on dire, de discrétion et de bonnes relations voilà. avec les oui. Anglais. Oui. Il pense qu'il va... Voilà, il a utilisé ce nom à plusieurs reprises. Par exemple, lorsqu'il est revenu d'Égypte pour prendre le pouvoir, le bateau sur lequel il est revenu avait été rebaptisé la Muiron. Alors il fallait, dans l'ombre de ce général totalement solaire, il fallait un personnage qui puisse être le scribe en quelque sorte. Il est celui qui observe les événements de près et qui, à travers ses états d'âme, nous fait partager tout ce qu'il y a pu, tout ce qu'il pouvait y avoir de hasardeux dans toute cette campagne d'Italie, Jean Mauduit. C'est votre Vaudancourt. Vaudancourt sera... pour un petit délai, le secrétaire particulier de Bonaparte, qui a l'habitude de dicter à tout le monde, le premier aide de camp qui lui passe, il tombe sous la main et lui dicte, et c'est pas rien que de prendre en dictée ce que dit Bonaparte, parce qu'il parle à toute allure, il a un accent corse très lourd. Mais... Oui, on a un texte de J'ai le nôtre qui nous raconte d'ailleurs les déboires d'un des secrétaires de Napoléon qui n'a pas fait une journée à Fontainebleau d'ailleurs parce qu'il n'a pas pu tenir. Oui. Jean Mauduit, L'ombre de Bonaparte, le roman est publié chez Flammarion. Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1. Nous sommes au cœur de l'histoire cet après-midi et vous nous parlez, Franck Ferrand, du général Bonaparte avec vos invités. Patrice Guénifet, historien, directeur d'études à l'EHESS, auteur de Bonaparte 1769-1802, tome 1 aux éditions Gallimard. Et Jean Mauduit, écrivain, auteur de L'ombre de Bonaparte, un roman historique aux éditions Flammarion. Si le tome 1 s'appelle Bonaparte, Patrice Guénifet, j'imagine que le 2 devrait s'appeler Napoléon. Imaginez juste, le 2 s'appellera Napoléon. Il faut évidemment. Dire évidemment que, je crois que nos éditeurs le savent, mais votre ouvrage a été largement couronné. Il est notamment Grand Prix de la Fondation Napoléon 2013 et Grand Prix de la biographie politique de 2013 également. C'est un livre extrêmement équilibré sur la question. Ça fait du bien par les temps qui courent, avec des gens qui, divers et variés, donnent des points de vue sur Napoléon et sur cette époque. Vous avez constamment essayé de faire la part des choses. Et notamment, cette campagne d'Italie, vous nous la montrez sous un jour sensiblement différent de l'époque habituelle. Oui, j'ai essayé d'être nuancé, tout simplement parce que le personnage est si complexe qu'il est difficile d'affirmer des choses tranchées à son propos. Le personnage est comme son héritage, contradictoire, ce qui suppose un peu de nuance. Alors j'ai essayé de présenter la campagne d'Italie d'une façon différente de l'épopée, oui, c'est-à-dire moins simplement, et en montrant qu'elle avait été l'école de Bonaparte un peu dans tous les domaines. Parce que en même temps, il est vrai qu'il accomplit des exploits, mais c'est au moment même où il apprend tout. Il apprend la guerre, il apprend la diplomatie, il apprend le gouvernement, il apprend la politique. Et ce qu'il montre, c'est qu'il est très doué, puisqu'il y réussit très bien dans tous les domaines, et tout de suite. Comme si, dans son cas, l'apprentissage était inutile. Et si comme si les résultats suivaient immédiatement la leçon apprise. Et ça, ce qui est tout à fait étonnant, exceptionnel. On a une impression de compression du temps. C'est ce qu'on ressent lorsqu'on lit aussi votre roman, Jean Mauduit. Les choses vont très vite. Oui. Et c'est vrai que les leçons sont immédiatement tirées. Immédiatement. J'ai été fasciné par la façon dont, un peu après, au moment du consulat, il va littéralement boire le savoir de ses consuls, de Lebrun, de Cambacérès, oui. Et il va devenir aussi bon juriste ou aussi bon économiste que tel ou tel. Il capte d'une façon magistrale. Et c'est en effet la rapidité qui est son... Il consomme le temps. Peut-être trop, d'ailleurs. C'est la belle époque, quand même, la campagne d'Italie. C'est... Oui, mais en même temps, il y a des choses pas pour très lui, jolies. Pour lui. Hein, il ne faut pas oublier qu'il rafle des œuvres d'art au comte de Barras, par exemple. Pas pour son compte, bien qu'il en ait été accusé. Et puis, ses troupes sont dans un état de misère, en effet, abominable. C'est une armée en haillons, c'est une armée de pauvres types. Et de tout ça surgit la flamme, en effet. C'est ça le miracle. Est-ce que cette armée de pauvres airs, d'une certaine manière, manifeste déjà, à l'égard de son jeune général, l'admiration qui sera plus tard celle de la Grande Armée pour l'empereur, oui. Patrice Guénifet ? Oui, d'emblée, il noue avec son armée des relations tout à fait particulières qui n'ont pas d'équivalent dans les autres armées républicaines. Qui sont des liens de fidélité au général et de reconnaissance de l'autorité du seul général. C'est-à-dire très vite, cette armée apparaît comme une armée de prétoriens. Et il y aura toujours ceux qui étaient en Italie et les autres. Et entre Bonaparte et ceux-là, un lien tout à fait particulier. Et cette armée est son armée dès le début. Peut-être pas dès les premiers jours, parce qu'il lui a fallu un temps pour s'imposer. Vous savez, vous l'avez dit d'ailleurs dans votre présentation, lorsqu'il arrive, il ne paye pas de mine. Oui. Et il lui faudra quand même s'imposer vis-à-vis d'officiers supérieurs et de soldats qui ont à leur actif des états de service bien plus importants que les siens. Alors d'où vient-il ce général Bonaparte ? Nous n'allons pas évidemment retracer toute la jeunesse et encore moins l'enfance de Bonaparte, mais quelle a été sa formation initiale ? Est-ce qu'au moment de la campagne d'Italie, il dispose déjà de tous les éléments qui vont faire de lui le grand stratège qu'on connaît ? Non, absolument pas. Il vient, on peut résumer d'une phrase toute son histoire antérieure, il vient de très bas et de très loin. Puisqu'il est d'un milieu populaire selon les critères de la société de l'époque. Il vient du bas de la société et il vient de très loin parce qu'il vient de Corse, l'île ayant été rattachée l'année précédant sa naissance à la couronne de France. Acheté par la couronne de France, en fait. Il a eu une éducation assez classique dans les collèges de la monarchie où il a acquis à la fois des connaissances, un peu de connaissances militaires, beaucoup de littérature classique comme à l'époque, et un peu de culture des Lumières. Donc il a une culture tout à fait à la fois ordinaire et sommaire, qu'il a complété par un goût forcené de la lecture. Il a une jolie formule, il dit « la lecture a été la débauche de ma jeunesse ». Ce qui est assez vrai d'ailleurs, puisqu'en matière de débauche, il en a connu peu d'autres, jusqu'à sa rencontre avec Joséphine. Il aurait pu être lui-même romancier, hein, c'est un aspect méconnu du personnage. C'est un garçon du XVIIIe siècle. C'est ça, vous savez, les gens du XVIIIe siècle, à la différence de ceux d'aujourd'hui, la plupart de ceux d'aujourd'hui sont des noircisseurs de papier. Donc ils passent leur temps à écrire des lettres, des résumés d'ouvrages, des notes diverses et variées, etc. Et effectivement, il a commis quelques petits textes littéraires pendant son adolescence. Et cette basse condition d'origine que vous évoquez explique la jalousie féroce de ses frères et sœurs à l'encontre de Joséphine. Car Joséphine, elle, est de bonne noblesse, on peut dire. Mais bonne noblesse. Une noblesse déclassée, mais elle a évidemment traversé tellement d'épreuves invraisemblables qu'elle fait vraiment partie, elle, de ce qu'on pourrait appeler le tout Paris de l'époque. Oui, et alors justement, quand Bonaparte est confronté à ces milieux très, très élaborés du directoire, il est un peu dépassé, bien entendu. Et Joséphine l'aide beaucoup, d'ailleurs. Entre-temps, leur ménage a connu des tourmentes. Il a appris, si la légende est véridique, et Patrice confirmez-le ou pas, il a appris pendant la campagne d'Égypte, par Junot, son malheur conjugal. Oui, c'est vrai. Et il est rentré en France dans l'idée de rompre avec Joséphine. Elle avait une liaison avec le fameux Charles Hippolyte. Hippolyte Charles. Oui, tout à fait. Oui. Qui est un personnage étrange, un beau parleur, un beau gosse aussi, et qui était dans ses bagages, elle l'a traîné dans ses bagages pendant des années. En Italie, notamment. Et tout le monde le savait, sauf Bonaparte. Mmh. Il l'a appris pendant la campagne d'Égypte. C'est souvent comme ça que ça se passe. Et il a été très malheureux. Parce que le personnage n'est pas insensible, ça fait partie de la multiplicité des aspects de Bonaparte dont Patrice Gueniffet parlait il y a un instant. Il est généreux et cruel, et dur et tendre, enfin, etc., etc. Tout est sans contraire. Un enfant des Lumières, un personnage qui socialement peine à se placer, un politique qui très souvent a du mal à prendre la mesure des circonstances, en tout cas dans les premiers temps, mais en revanche un militaire qui est d'emblée efficace, voire éblouissant, Patrice Gueniffet. Oui, ben vous savez, le génie ne s'explique pas à la guerre comme en littérature ou comme dans n'importe quelle autre activité. Et il montre tout de suite un talent que l'on pourrait dire inné, parce que ce talent se manifeste après une formation qui a été purement livresque. Il a appris la guerre dans les livres et dans les mémoires des anciens capitaines de guerre, gens de guerre, et il manifeste tout de suite un talent qui semble complet. Comme si il avait, sans avoir besoin de l'apprendre, le génie de la guerre en lui. Et le génie de la tactique, c'est-à-dire d'inventer des techniques de guerre, une tactique de combat qui va méduser ses adversaires pendant presque une vingtaine d'années. C'est seulement à la fin de l'Empire qu'ils vont enfin comprendre ce qui leur arrive et prendre les mesures nécessaires pour y remédier. Mais jusqu'alors, ils vont être déboussolés, bataille après bataille. Il a vraiment, l'expression n'a jamais été aussi bien justifiée, il a vraiment une bataille d'avance, hein, systématiquement. Il a même, on pourrait dire, une guerre d'avance. Tout à fait. Ouais, ça ne peut pas vraiment s'expliquer d'une certaine manière. Non, il n'y a pas d'explication à ça, ni dans cette faculté d'apprendre tout si vite. Ça, c'est forcément quelque chose qui est en lui, qui est inné en lui, et qui échappe à l'analyse, je pense, du romancier comme de l'historien. Ce qu'offre le roman dans une situation, face à un personnage comme celui-ci, c'est la capacité de nous le faire sentir en quelque sorte. Et le Bonaparte que vous nous présentez, Jean Mauduit, n'a pas grand-chose à voir avec l'espèce de monstre glaçant qu'a pu être Napoléon par la suite. On sent quelqu'un de chaleureux, somme toute. Et cela aussi, quand il veut l'être. Voilà. C'est un grand comédien, on l'a dit et redit. Mais il est ça aussi. Alors, il apprend tout, en effet, sauf une chose. En tout cas, il aura du mal. C'est lorsque, au moment du coup d'État, il se trouve face aux 500 et bredouille à la tribune. Mmh. Il perd complètement contenance, il dit des bêtises, il l'avouera lui-même. Et ça, c'est un trait humain, entre autres. Bon, il y a eu d'ailleurs des bouquins assez bien fichus sur le caractère de Bonaparte et ses aspects contradictoires. Mais c'est ce que j'essaie de rendre en effet. Et si je le fais, c'est d'abord pour mon plaisir. Mais ça, c'est après, évidemment, la campagne d'Égypte, qui occupe une place importante dans vos deux ouvrages respectifs. Mmh. Campagne d'Égypte, où tout va changer, et où le militaire va précisément se faire politique. Mais ça, ce serait l'objet d'une autre émission. Il y aura aussi une autre émission à faire ensemble, si vous le voulez bien, Patrice Gueniffet, sur votre dernier ouvrage qui s'appelle « Les derniers jours des rois », où vous nous montrez, avec toutes les leçons qu'on peut en tirer, les agonies successives de nos grands monarques. De nos monarques. Oui, c'est assez, c'est assez passionnant. C'est publié chez Perrin avec le Figaro Histoire, Les derniers jours des rois, sous la direction de Patrice Guénifet. Et puis, bien sûr, donc, le premier tome de votre monumentale biographie, Bonaparte, c'est dans les biographies NRF chez Gallimard. Et je rappelle donc le titre du roman de Jean Mauduit, L'ombre de Bonaparte. L'ombre de Bonaparte, c'est un bonhomme hein, dont on parle. C'est Bonancourt, en l'occurrence. C'est un jeu de miroir. C'est ça, histoire, exactement. Oui. C'est une sorte de dédoublement. C'est le miroir parlant, d'une certaine tout manière. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'un autre Napoléon, celui qui n'était encore que Bonaparte. Dans un instant, sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Séverine sur les origines du drapeau tricolore. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Séverine, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle aimerait connaître l'origine et la signification des couleurs bleu, blanc, rouge de notre drapeau. Alors, vous savez que la toute première fois qu'on a vu apparaître une cocarde bleu, blanc, rouge, d'ailleurs qui était rouge, blanc, bleu à l'époque en France, c'était le 17 juillet 1789, donc juste après la prise de la Bastille, lorsque Louis XVI va à l'hôtel de ville et qu'on lui remet cette cocarde. Pourquoi ces trois couleurs? Mais le rouge et le bleu, ce sont les couleurs de Paris. Traditionnellement, le bleu était la couleur, le bleu de France, hein, c'était la couleur de la monarchie française. Le rouge, c'était la couleur de Saint-Denis et Paris avait pris ces deux couleurs. On pense que la vraie raison d'ailleurs de l'adoption du rouge et du bleu par Paris comme couleur, c'était la couleur du chaperon d'Étienne Marcel au moment de la révolte d'Étienne Marcel pendant la captivité de Jean le Bon. Vous voyez, donc ça viendrait de là. Et on a ajouté le blanc, pourquoi? Parce que Lafayette l'a voulu, dit-on, et pour rendre hommage au roi. Certains disent que c'est parce que c'était les trois couleurs de l'uniforme des gardes nationales. Vous savez, très importante, cette garde nationale qui va jouer un rôle tellement décisif dans l'année 1789. Donc ça pourrait être l'explication. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Lafayette était allé aux États-Unis, n'est-ce pas? Et qu'il y a sans doute chez lui la volonté de rapprocher les couleurs françaises des couleurs américaines, des couleurs de cette république qu'il admirait tant. À l'automne 1790, l'Assemblée constituante décide qu'un pavillon rouge-blanc-bleu sera installé sur tous les navires, et c'est seulement le décret du 15 février 1794, inspiré, dit-on, par David, qui va faire du drapeau bleu, blanc, rouge, dans cet ordre, le drapeau tricolore, l'emblème national.